2, 1, 2, 3, 4. Boum boum. Boum boum. Musique française, curieuse. Le quatrième mercredi du mois. De 21h à 23h. Sur Prune 92 FM. Ouh, boum boum mo. Musique française curieuse. C'est moins drôle quand il n'y a pas Jonas, parce que je suis trop stressé. Jonas, pourquoi tu prends tes dates de vacances, sans déconner, le quatrième mercredi du mois? Ouh, je vais m'en sortir quand même. Boum boum boum, musique française curieuse, tous les quatrièmes mercredis du mois, donc sur Prune. Ça fait bientôt 10 ans que ça dure, ça fait bientôt 10 ans que faire l'AREA, ça me stresse. Ça fait bientôt 10 ans qu'à chaque fois que je fais l'AREA, je dis que je suis stressé, comme les gens qui font de la radio depuis 2 semaines. Ouais, j'arrive pas, je vais finir par être plus à l'aise, un de ces quatre. Mais ça va bien se passer quand même, c'est obligatoire, puisque on a un pur line-up ce soir, 2 heures de musique française et francophone curieuse. On aura en deuxième heure, à 22h, nos amis parisiens de Club Roquette. On aura le temps d'en reparler tout à l'heure. On les invite le 3 février pour notre prochaine Toffe au rond-point. Mais avant ça, pour la première heure, je suis avec monsieur Théo Bands de Rennes, de Nantes, de Paris. Il vient d'un peu partout. Théo, a.k.a. Jeanville du label Eddie Larkin, a.k.a. MacGyver du label du groupe et du sound system Standby Patrol. Coucou. Coucou. Ça va? Ouais, toi aussi? Nickel. Ça va beaucoup mieux, c'est bon, je suis plus tout seul à parler. Allez, ça me décharge d'un poids. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais retranscrire en quelques secondes nos échanges hors antenne. Là, ça fait 1 heure ou 2 qu'on papote, on s'est raconté tellement de choses intéressantes. Je sais même pas par où commencer pour te présenter. J'ai cité un petit peu tes projets perso, notamment ce label Eddie Larkin. J'ai parlé aussi de Standby Patrol. Ouais. Il faudrait quasiment 1 heure d'émission, en fait, pour résumer tout ton parcours. Oh, peut-être pas, mais en tout cas, ouais, Standby, c'est le projet vraiment principal là, depuis plus de 20 ans. Donc c'est un sound system reggae, dub, voilà, on joue aussi sur scène et sur sound system, on a un label, tout ça. Et puis voilà, j'ai toujours eu d'autres petits projets de plus petite envergure, mais à côté, dans d'autres styles de musique. T'as cité Eddie Larkin qui est plus bass music, Jeanville qui était électro. Voilà, il y a eu d'autres trucs encore avant et qui sont oubliés maintenant, j'espère, et voilà. Qui sont, on en reparlera peut-être au cours de l'émission. Voilà. Je vais me détendre, je vais reprendre ma répartie, mon sens de l'humour tranquillement. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Tu as préparé une sélection que l'on va commenter. On va passer quelques morceaux. On reprendra le micro pour raconter un petit peu pourquoi tu as décidé de passer ces morceaux et pas d'autres. Bah ouais, très bien. Ça va être très très éclectique, donc autant faire des petites interludes. Discussion parce que ça va pas du tout être enchaînable en e-mix. Génial, ça me fait super plaisir de te recevoir. Ça fait combien de temps qu'on en parle de cette émission? Ça doit faire genre 2 ans, un truc comme ça. Ouais, on s'est dit ça. Je pense que c'était à la soirée d'Abstract où ils testaient leur sono, là, une soirée privée qui avait la fourche, la prise. C'était en 2020. Voilà. C'était ouais. Et puis en se recroisant, on se disait on le fait, et puis on se disait oui, et puis là t'as fixé une date, et je suis là. On aura mis 2 ans et demi à faire ça. Je crois que le premier morceau de ta sélection, c'est plus ou moins un morceau de présentation, puisqu'on en parlait de ce groupe, de ce label, de ce sound system. Tu nous joues un petit Standby Patrol pour commencer. Ouais. C'est le seul morceau qu'on a sorti entièrement en français, qui était sur le 4e album Our Own Way. Le morceau s'appelle Belleville Rap, c'est écrit par Pupa Jim. Comme tous les morceaux d'ailleurs qu'on a sortis, voilà, en français, en style boom bap, un peu old school dans le rap français. Standby Patrol, c'est la sélection de Jeanville dans Boom Bomo. Si tout va bien, la musique part dans quelques secondes et là je serai définitivement soulagé. Vous écoutez Boom Bomo, Jonas, tu me manques beaucoup, je pense à toi. Jeanville est avec nous. Yeah! À Paris, les Clarks glissent sur le bitume. Les Clarks glissent sur le bitume. Les Clarks glissent sur le bitume. À lundi dimanche à Paris, les Clarks glissent sur le bitume. Les Clarks glissent sur le bitume. les Clarks glissent sur le bitume. Ce mal en crêpe, des airboots aux pieds, capuche sur la tête, pantalon à ourler. Dehors il pleut, j'allume une clope mal roulée. Le ciel est bleu, dans le sud il paraît. Les pauvres squattent sur les bouches d'aération. Les riches volent au-dessus de nous en avion. Les travailleurs viennent et travailleront, en espérant un jour voler au-dessus de nous. Tous les mois, tout le monde attend son salaire. Tous les jours, on attend la fin de journée. Toutes les semaines, on attend pour se reposer. Tout le temps, on attend mais on n'a pas le temps. Les années passent, les cheveux tombent et les poils blancs. Blancs poussent partout comme du chien dent. Les rides se creusent comme le sillon d'un LP. Mais le pull-up n'est pas possible dans la vraie vie. La fumée de ma clope s'envole dans le ciel. Mais la pluie me ramène vers le sol noir. Je rentre dans la bouche béante du métro. Il nous avale tout et tout dans sa mâchoire. Les gueules cassées, le fleuve est haut, le ciel est bas. On est coincé, quelqu'un se jette sur les voies. Mais on repart. En point de mire, une tour en fer me fait un doigt. Rue de Belleville se réveille sous la pluie noire. Ils disent que la route tourne, mais on reste en bas comme des hamsters. Je dis que la route il nous épuise et nous désespère. Un expresso, s'il vous plaît, des cernes connues, mais des visages. Au Bougnat, Pyrénées, des gueules cassées, saute au comptoir. Non, merci, pas de remords, qu'il est encore trop tôt. Le comptoir, en perspective, je contemple un tableau. Je repars, le travail m'attend, je suis un pro. L'eau s'écoule en un regard. Les seules personnes qui me disent bonjour sont les clochards. La fumée de ma clope s'envole, un pigeon me chie dessus. Au coin du bar, Robert fait son jus de jitsu. La roue qui tourne, casse la routine. Un lundi manche à Paris, les Clarks glissent sur le bitume. Les Clarks glissent sur le bitume. Les Clarks glissent sur le bitume. Un lundi manche à Paris, les Clarks glissent sur le bitume. Les Clarks glissent sur le bitume. Les Clarks glissent sur le bitume. On traînera dehors les soirs d'été. Passer les frontières en volant d'une jetée. J'essaye encore de savoir qui tu étais. Regarde-toi dans le ciel bleu. J'ai pris ta la lune pour savoir ce qu'elle veut. On oubliera tout ton passé. Les Banane dans Boom Bomo. C'est la sélection de Jeanville. Je retrouve un petit peu de sérénité. Jonas, je t'en veux toujours d'être parti en vacances, mais j'ai le sourire. D'autant qu'on est en train d'écouter une pure sélection. C'était quoi ce remix de Henri Salvador? Alors, c'était par un groupe qui s'appelle Damé. C'est un gars et une fille là, du label de Brigante Records qui a été fondé par Bicaranx, où il avait sorti d'autres tracks sous son alias Telly, que j'ai joué juste avant, là, le remix aussi, la cover de Sunlight des Tropiques. C'était très beau aussi. Et du coup, ouais, j'ai joué les deux à la suite, même label, et puis les deux, c'est des rappels à des belles chansons françaises, vu que c'est un peu le thème de la soirée, de l'émission. Grave. Donc voilà, Damé, Lil Snow, je crois que le producteur s'appelle, et la fille qui chante avec son effet de voix, là, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais c'est super. Et ils ont fait d'autres tracks, tout un EP sur Brigante Records, qui est plus cloud dancehall, et du coup, ce coup-ci en anglophone. Mais là, c'est leur track francophone. Magique. On retrouvera la tracklist complète dès demain ou allez peut-être dans 2-3 jours sur le site de Prune. De toute façon, ça fait là aussi quasiment 10 ans que je le dis, mais je kiffe trop cette émission parce que chaque DJ, chaque digger vient avec sa propre vibe, sa propre vision de ce que c'est que la musique française et francophone. Chacun défend des trucs différents. Toi, t'as préparé des petits chapitres là, si j'en crois un petit peu tes notes. Là, on clôture un chapitre. Là, j'avais fait des trucs assez cool, on va dire, pas forcément que reggae, mais voilà, il y avait cette couleur-là, un peu d'artistes qui connaissent le milieu du reggae et qui font autre chose, ce qui est qui peut être bien intéressant. Après, voilà, j'avais de la funk, un peu de G-funk aussi, un peu rap comme ça, californien. Qu'est-ce que j'ai ? Je vais avoir des trucs, peut-être un track de mon oncle qui a fait du rock psyché, qui a sorti des disques. Je suis curieux de l'écouter celui-là. Voilà. Il est 21h26 assez... déjà, va falloir qu'on... On va tracer. Ouais, allez, qu'est-ce qu'on écoute maintenant ? Alors là, on va mettre un autre track où c'est encore Bonnie Banane au micro, mais c'est la prod de Midsizer, le morceau s'appelle Les bonbons à la menthe. C'est sorti sous l'alias de Midsizer à l'époque où Bonnie n'avait rien sorti. Mais du coup, c'était un peu une présentation de cette chanteuse-là il y a 5-6 ans, je pense. Allez, voilà. On enchaîne, Jeanville, dans Boom Bomo jusqu'à 22h. Et après, ce sera Club Rocket jusqu'à 23h. Vous écoutez bien Prune, ne débranchez rien. Une tache sur le cou, et puis un peu de monnaie. Ce matin elle était rouge, maintenant ça passe au violet. On peut changer le goût de sa bouche avec un peu de monnaie. Et avec les bonbons à la menthe, on ne peut pas se tromper. C'est des bonbons à la menthe, qu'est-ce que c'est cliché. Si c'est des bonbons à la menthe, qu'est-ce que c'est cliché. Si c'est des bonbons à la menthe, qu'est-ce que c'est cliché. Qu'est-ce que c'est cliché. Qu'est-ce que c'est cliché. À l'envers. serais le feu et tu serais la pierre. Prendre le tout dernier métro dans les couloirs et leurs courants d'air. Retiens mon désir, laisse pas s'enfuir, laisse pas partir dans les vagues de la vie, dans les vagues de la vie. Retiens mon désir, laisse pas s'enfuir. Bébé, je suis dans le doute, ouais. Bébé, je suis dans le blues, ouais. Bébé, je suis dans le four, ouais. Bébé, je suis dans le foot, ouais. Je reste avec mes you, je reste avec mes loups, je reste avec mon cousin. Il roule un peu de couche, je suis un peu à la bourre, ouais. Pas envie de courir. De toute façon, le monde est louche, ouais. De toute façon, le monde est pourri. Je vais m'exploser la face, pendre un politique, tirer sur un cœur. Finir alcoolique, mon amour, j'ai le blues. Mon amour, j'ai le blues. Mon amour, j'ai le blues. Mon amour, j'ai le blues. Nique sa mère le futur, mon cerveau est cramé. Depuis qu'un frère s'est cané, la veille on s'était parlé. Je crois plus en grand chose, j'ai arrêté la dose. Je me sens pas revivre. Le monde fout pas la gaule. J'ai bien regardé la rue, ouais, les frères se tirent dessus. Personne ne parle d'amour, tout le monde parle de thunes. J'ai pris un quart de l'exo, j'ai appelé ma frangine. Elle me parle des étoiles, j'ai écrit cette comptine. Oui ma sœur, j'ai le blues. Oui ma sœur, j'ai le blues. Oui ma sœur, j'ai le blues. Oui ma sœur, j'ai le blues. J'ai pas rangé mon appart, j'ai pas pris mes médocs. À deux ne mange pas ça, je suis victime de mon époque. Prêt à pisser le sang pour que demain ça change. J'aime pas les billets de banque, ça met les frères en transe, ça met les frères en prison. Je connais la vente de pilons, coke, crack, buva. Elles sont très sont mes visions, monde rempli d'addiction. Frangin, protège ton dos, celui que t'appelles ton bro peut te planter dans le dos. Oui maman, j'ai le blues. Oui maman, j'ai le blues. Oui maman, j'ai le blues. Oui maman, j'ai le blues. Ouais, ouais. Le sky est la bouteille de vodka glacée, enlacée à la gnôle depuis des années. Il pleut des mélodies les jours de canicule. Toujours j'irai, chaque minute défoncée. Jusqu'au crépuscule, le cerveau baisé. Démarche lente sous-alisée. Fou allié, de souiller les Champs-Élysées. En bref, je suis bourré, les yeux remplis de mystère. Mais dans mon cerveau, c'est l'hiver. L'alcool me libère. Paris plage est une chaîne à cache-misère. Baignade interdite aux portes de l'enfer. J'en cuve la sobriété. La tise m'a fait la promesse de ne jamais me quitter. Il coule de l'absinthe sur mes tempes. Sous au soleil, d'une bouteille est sorti le génie de la lampe. Je n'ai fait qu'un vœu, celui d'en faire des milliers. Ce n'était qu'un rêve. Sur ce vent foncé ce matin d'été. Sous au soleil. Se mettre bien, on en a besoin. Les plaies de la vie, on va cautériser. Parce qu'il nous en faut peu. S'il pour être heureux, sous un soleil radieux, c'est encore mieux, mon vieux. J'ai mon épingle pour retrouver un peu de joie et pour éteindre le feu qui brûlait en moi. Sous la chaleur de l'été, c'est si bon. Ça brise nos chaînes, ça canalise nos haines. On est bien, on est sous le soleil. De nous-mêmes, on est maître. Et on est maître. Sous le soleil. La défonce est douce. Et c'est tout ce qu'on laisse. Jusqu'à devenir fameux. Y'a pas d'heure, midi ou 20h. Surtout quand monsieur le soleil nous ramène un peu de bonheur. Sous liqueur, faut que je fasse chez le druide chercher les grands frères, les petites sœurs. Toute la famille est de sortie au jardin des douceurs. Sors les bouteilles de la glacière, viens détendre l'atmosphère. 80 degrés dans les airs, c'est bon pour finir par terre. Cherche pas la logique, apprécie le trafic quand son balance un classique. Et le soleil rend ce moment magique. Faut que je décolle, faut que je me sente loin, loin. Faut que je m'envole, faut que je vois l'avenir dans mon verre. Je suis sourd au soleil, avec ou sans l'oseille. Finir dans ce nu bourré et tous mes sens sont en éveil. Sourd au soleil. Youhou. On pourrait l'écouter des heures celui-là. Ouais, il continue en plus. François Feldman et Yellow Hand, je le laisse en bed, juste derrière nous. You Want Every Night. C'est ça. T'as une anecdote au sujet de ce morceau, je crois. Ouais, enfin, déjà, c'est marrant que ce soit un morceau de François Feldman quand on voit le reste de sa carrière et qu'il a fait, des trucs comme ça. Avant, je trouvais ça bien réussi par rapport à la suite qui m'a beaucoup moins attiré, en tout cas. Mais ouais, bah, ces tracks-là, je l'avais connu avec une émission d'M6 qui s'appelait L'Alternative, où une fois par mois, je crois, il passait en plein milieu de la nuit plein de clips un peu what the fuck, un peu comme une sélection, quoi, une playlist de tracks et surtout de clips qui étaient un peu marrants. Et si vous voulez aller voir le clip de l'autre chanson qui est sur l'autre face de ce style-là qui s'appelle Can You Feel It, où vous voyez François Feldman dans un costard rose en sequins et paillettes en train de faire de la guitare et de la basse avec des rollers. Et accompagné de trois potes qui jouent les autres instruments, habillés en tenue de jogging jaune, Bruce Lee, trop complètement marrant. Rincé ce clip. En fait, j'ai connu le clip d'abord. Tu sais, je laissais tourner la cassette. J'allais me coucher quand j'étais petit. Enfin, j'étais mineur, quoi. Voilà, j'allais m'endormir et le lendemain, je regardais la cassette et j'accélérais quand ça me plaisait pas. Et celui-là, quand j'étais tombé dessus, j'étais là, mais c'est n'importe quoi. Et le morceau, je pense qu'il est resté dans mon inconscient parce qu'à cette époque-là, j'étais pas du tout fan de funk. Et du coup, quand je suis retombé dessus sur ce disque-là dans un bac, je disais, non, mais je le connais ce track, tiens, je le prends direct. Et puis quand j'ai regardé les crédits, je me disais, c'est quoi ça, mais si, putain. Et après, ça m'est revenu en mémoire et j'avais dans un inconscient, grâce à l'émission L'Alternative. Incroyable. C'est un classique des soirées Boom Bomo, de tout début des soirées Boom Bomo. Je jouais ça vers 2014-2015. Encore un track que j'ai piqué à DJ Farwa. J'avais dû entendre ça lors d'une Funky Saturday. Ah ouais, aïe, aïe, aïe. C'est le boss. Le boss de fin, il nous a fait découvrir trop de trucs. Toi aussi, tu nous fais découvrir trop de trucs. Il nous reste 11 minutes. On va enchaîner avec ce fameux morceau de ton oncle, un morceau un peu psyché, si j'ai bien compris. Non, c'est ça que tu voulais jouer sur autre chose. Ouais, c'est ça. Ouais, si, on va faire ça. C'est le morceau qui s'appelle Le Chien, de un groupe qu'il a formé qui s'appelait L'Assemblée. Lui s'appelle Jacques Dudon, si vous voulez voir des musiques très psychées, même très bizarres, on va dire, pour ceux qui sont un peu classiques. Il est spécialiste de la musique microtonale et du coup, il y a plein de choses à creuser dans cet univers-là où il est allé vachement loin. Mais voilà, du coup, ce morceau-là, qui n'est pas non plus d'un style que je creuse du tout, mais en tout cas, je suis content de l'avoir. Il s'appelle Le Chien. C'est parti, c'est la sélection de Jeanville dans Boom Bomo. On est ensemble pendant 10 minutes encore avant le mix de Club Rocket. Chien égaré dans la Copacabana, la samba, la samba, la samba, c'est sympa, la samba, la samba, Copacabana. Mais comment ça me faire chier? Ma pétasse de copine, à m'attique des films de cul, elle pense vraiment qu'à la bise, un soutien-gorge en dentelle. Eh ben il faut pas bander, et c'est porte-jartel de pute, c'est carrément démodé. Et mes connards de voisins, je crois qu'ils aiment pas la musique. Mais comment leur faire comprendre? La latino ça s'écoute fort, je me casserai bien à Rio, en voyageant en bateau, pour ne plus voir leur gueule, et pour danser la samba. La samba, la samba, la samba c'est sympa, la samba, la samba, Copacabana. La samba, la samba, la samba c'est sympa, la samba, la samba, Copacabana. La samba, la samba, la samba c'est sympa, la samba, la samba, Copacabana. La samba, la samba, la samba c'est sympa, la samba, la samba, Copacabana. Look at the wave, boy. Libre comme le rhum et le coca, Tony Tony à la playa. Baila baila la morena, statique au soleil, je suis Faya. J'ai quitté la S sans préavis, si dis-toi et moi c'est pour la vie. Prochaine fois ça sera le ski, ici les problèmes on les oublie. Je t'emmènerai voir la plage, je fais toujours ce que je dis. On ramassera les coquillages, t'es la femme de ma vie. Bébé je t'emmènerai voir la plage, je fais toujours ce que je dis. On ramassera les coquillages, t'es la femme de ma vie. Au soleil frère je me dors la pilule. Chemise tropicale, fraîche et attitude, okay. En basket à la plage, mais bon c'est l'habitude. Et ouais, quand y'a pas de soleil, en vrai je suis toujours dans la lune. Au soleil, supplément chantilly pour 1€, un disque 40 sur les pectoraux. Les autres pétasses je les ai mis sur le deck. Ce soir je t'emmène à la discothèque. Bébé bébé bouge au bassin, t'es belle comme les meufs dans les anges. Que des belles chansons comme Joe Dassin. Je suis plus beau de la boîte et ça dérange. Je vais voir la plage, je fais toujours ce que je dis. On ramassera les coquillages, t'es la femme de ma vie. Bébé je t'emmènerai voir la plage, je fais toujours ce que je dis. On ramassera les coquillages, t'es la femme de ma vie. Au soleil frère je me dors la pilule. Chemise tropicale, fraîche et attitude, okay. En basket à la plage, mais bon c'est l'habitude. Et ouais, quand y'a pas de soleil, en vrai je suis toujours dans la lune. Au soleil. Dégaine d'homme du bandit, j'ai la dégaine d'homme du bandit. Dégaine d'homme du bandit, j'ai la dégaine d'homme du bandit. Dégaine d'homme du bandit, j'ai la dégaine d'homme du bandit. Dégaine d'homme du bandit, j'ai la dégaine d'homme du bandit. Viens voir là où j'habite, au lieu de nous juger. La bine ne fait pas le moins d'angle, balèque avec des préjugés. Serait casquette TN, casquette TN. On se lève à 2h de l'après-midi, réveillé par un KTM. Pas de taf dans le ghetto, pas de taf dans le ghetto. Ta maille on en veut trop, on en veut trop. Tu peux garder ton smic, garder ton smic. Autant vendre du smic, ouais c'est trop tard pour se lever tôt. Partout c'est la même merde, à quoi ça mène? Grandez la mêle, guetteur crie si les flics ça mène. Je veux pas me faire péter, passer à la trappe, qui m'arrêtera? Mais trappe, je laisse pas d'entraîne, ils peuvent suivre à la trace. J'arrive dans le game, moi je fais mes bails, ramasse le blé, les laisse sur la paille. Joue pas les champions, la seule coupe que t'as, tout le monde sait que c'est que ton verre de champagne. Verre de champagne, verre de champagne. Joue pas les champions, la seule coupe que t'as, tout le monde sait que c'est que ton verre de champagne. Y'a ce qu'on dit, j'ai la dégaine d'un petit bandit. La dégaine d'un petit bandit, j'ai la dégaine d'un petit bandit. Ça a pris une Gucci en manie. Jamais à la one again, jamais à la one again. J'ai la dégaine d'un petit bandit. Y'a ce qu'on dit, j'ai la dégaine d'un petit bandit. La dégaine d'un petit bandit, j'ai la dégaine d'un petit bandit. Ça a pris une Gucci en manie. Jamais à la one again. Jamais un la one again, j'ai la dégaine d'un petit bandit. Mania fond dans la caisse, j'suis le meilleur. Même les grands t'attestent la tête, j'décapite tout le monde du rap, plus tête à tête. J'attends pas ton ami pour faire ta fête, c'est comme ça que ça se passe dans la zone. Dans nos favelas, y'a que des favelas. Tu trouves à tout, mais sûrement pas ta bella. Y'a que des meufs comme Ayem, des meufs comme Ayem. Sors pas le Porsche Cayenne, elle va te michetonner, te faire partir à Yep. Elle veut monter dans le gamos. Bébé, j'suis pressé, j'défends mon terrain comme Sergio Ramos. Tu verras en été. Arrose ma d'oseille, marre des tracés. On se prend tout permis comme quand j'étais à 5. arrose-moi d'oseille, marre d'être tracé. On se croit tout permis comme dans le GTA 5, ça parle de braquage. À n'importe quel âge, ils te sortent les outils. Femme mascalage, c'est la routine. Pour une chaîne, on te marave. Pour une chaîne, on te marave. Chez moi, les petits pimous, les pics, puis ils arrachent. Qu'est-ce qu'on dit? J'ai la dégaine d'un petit bandit. La dégaine d'un petit bandit. J'ai la dégaine d'un petit bandit. Ça a pris du Vigucci en mani. Jamais Allah one again. Jamais Allah one again. J'ai la dégaine d'un petit bandit. En fait, mon billet train, ça va être dur de rentrer. À mes bras, pas de meuf, mais c'est pas grave, j'ai tenté. Si Fizou me recale, bah c'est la mer, tu à pied. Coup de chance pour cette fois, je suis rentré sans trop forcer. J'suis dedans. Lève ton verre si t'es rentré. J'suis dedans. Même si on t'a pas invité, j'suis dedans. Lève ton verre si t'es rentré. Si t'es rentré, c'est que t'es un miraculeux. J'suis sorti de chez moi sans me poser de questions. Ils croient que j'ai des sous depuis que j'suis dans le son. Mes potes veulent tous sortir, mais personne peut conduire. Minuit toujours au check, putain j'crois que j'vais fuir. Pas assez pour la paye, encore moins pour l'hôtel. J'appelle tout mon funtel, mais aucune meuf me rappelle. J'ai beau avoir mis la chemise, mais aucune meuf me fait la bise. Pense sur la pluie, j'accoste un bord, elle me dit toujours qu'elle. Elle est prise. Mais t'inquiète pas, je vais danser, danser, danser. Je vais profiter de la nuit car je sais que la semaine je dois bosser. Les toilettes sont remplies et sur la piste tout le monde se frotte. T'as trop bu, t'as vomi, tout ça juste pour avoir la cote. Avec mon billet, tiens, ça va être dur de rentrer. À mes bras, pas de meuf, mais c'est pas grave, j'ai tenté. Si Fizou me recale, bah c'est la mer, tu à pied. Coup de chance pour cette fois, je suis rentré sans trop forcer. J'suis dedans. Lève ton verre si t'es rentré. J'suis dedans. Même si on t'a pas invité. J'suis dedans. Lève ton verre si t'es rentré. Si de ton côté le feu s'est éteint, la moindre des choses c'était de m'informer. Dernier jour, la rivière n'était pas si profond. Cela t'a irrité, t'es parti. Maintenant que le barrage alimente toute la région, je nage mieux, je n'ai plus de partenaire, Steph. Si de ton côté le feu s'est éteint, la moindre des choses, c'était de m'informer. Au dernier jour, la rivière n'était pas si profonde. Cela t'a irrité, t'es parti. Maintenant que le barrage alimente toute la région, je nage mieux, je n'ai plus de partenaire, Steph. Parle-moi d'amour, de tes tristesses, tes envies. Doudou, doudou, doudou, doudou, doudou, doudou, doudou, mami, doudou. Ah, au beau vieux temps, tu étais mienne, j'étais tien. Il n'y avait aucune résistance entre nous deux. Jeanville, dans Boom Bomo. Normalement, on est plein en studio et c'est le moment où il y a des applaudissements. J'y vais quand même. Je t'applaudis, ça fait un peu triste. Eh ouais, Jonas, c'est ta faute. Cette tristesse là. Oh là là. C'était trop cool ce mix. Ouais, ouais, bah c'est parti dans tous les sens sur la fin. Ouais, sur la fin, c'était bien dans tous les sens. C'est ça aussi, Boom Bomo. Ouais, ouais, bah on peut s'autoriser. J'ai des petits. Guilty pleasure sur les rap chicha. Ouais. Donc je m'en suis permis. Du rap de, toi t'appelles ça rap chicha, moi j'appelle ça rap de périphérique. T'as envie de prendre ta voiture et de faire des tours juste pour écouter ça, quoi. C'est ça. Je suis sûr que tu gagnes quelques kilomètres heure en plus en écoutant ouais. Ces tracks là. C'était trop cool. Ouais, Tony Corrida, Mani et Zifou, un vieux Zifou là. Génial. Spécial chicha celui-là. Trop cool. Qui avait fait le morceau chicha toute la nuit justement. Bah, on va rester. C'était l'époque rap chicha. Voilà. Et là, on termine sur un morceau qui a un clip. Ouais, lui aussi, il a un clip bien marrant. C'est comme ça que je l'ai connu. T'es aussi. T'es passionné de clips marrants, en fait. Ouais. J'ai des cassettes de clips bien what the fuck. Là, c'était Itura Musongo, un artiste du Congo. Et le morceau s'appelle Steph. Je crois qu'il a beaucoup de morceaux qui ont des noms de femmes, des prénoms de femmes. Et celui-là, il est cool. Le clip a beaucoup d'incrustes, des effets bien réussis avec son petit costard et sa danse en même temps. C'est classe. Mortel. On retrouve toute la tracklist dès que le podcast sera en ligne sur le site de Prune. Demain, si je me débrouille bien, après-demain ou la semaine prochaine, peut-être. Ouais, je te l'ai fait à la fin de la soirée. Plus probablement. Merci beaucoup, Jeanville, Eddy, Larkin. C'est le label Stand-Eye Patrol, c'est le crew. On vous retrouve Stand-Eye Patrol vendredi prochain 3 février à Macadam. Ouais, dans 9 jours. Oui, pardon, dans 9 jours. Ouais. J'ai ma langue à fourcher. Le 3 février au Macadam, la soirée organisée avec Abstract, il y aura Vidoc, les filles de Shakti. Oh là là. Et du coup, Stand-Eye, là, on fait un set vraiment bass music. Il y aura que Ruti Step et moi au contrôle, en mode vraiment sélection, plus que ce que vous pouvez nous voir quand on joue sur scène avec le chanteur et le trompettiste. Là, il n'y aura pas de micro. Ce sera vraiment ambiance club vu que ça se passe au Macadam, sauf qu'on ramène aussi notre sound system histoire de mettre vraiment les basses très fort. Et voilà, ouais, j'ai l'impression que ça va pas trop jouer François Feldman ni du rap de voiture. Non, ça va jouer plutôt du bass music à la Ishan Sound et Cannes et tous ces anglais qui envoient des choses bien mentales. Merci beaucoup encore une fois, Jeanville, d'avoir accepté l'invitation. Tu restes avec moi. Ok. Le temps que j'annonce l'autre soirée du 3 février, quand même. Cette soirée, c'est la soirée Boom Bomo. Nous, on jouera peut-être, par contre, du François Feldman. Tant mieux. Ça, c'est un peu plus probable. Au rond-point, les gens peuvent faire les deux. Nous, on est de 22h à 3h30 au rond-point pour la prochaine teuf Boom Bomo. Et Macadam, c'est jusqu'à 6h30, 7h même. Donc, il y a carrément moyen de faire les deux teufs. Le 3 février, je le disais en introduction d'émission, j'ai l'immense plaisir d'inviter Club Rocket, un collectif de Paris, 3 DJ que j'ai croisé cet été sur le festival Divagation au fin fond de la Corrèze. J'avais bien apprécié leur sélection teintée de zouk, de R&B, de house et surtout de plein de groove francophones. Alors voilà, j'ai écouté un peu les mix en ligne, je me suis renseigné. On m'a dit que c'était des purs DJ, on m'a dit que c'était des purs gars. Ils viennent passer le week-end à Nantes, ils sont là le 3, ils sont là le 4. Ils sont là le 5, ils vont peut-être s'en aller de Nantes à un moment, mais je les garde sous la main 2 ou 3 jours pour vous en faire profiter aussi. Donc on sera au rond-point, soirée Boom Bomo, entrée prix libre, 22h, 3h30 le vendredi 3 février. Pour s'échauffer tranquillement, ils m'ont envoyé un petit mix de 55 minutes. Je l'ai survolé ce mix, je vais le découvrir en partie en même temps que vous. Bien teinté de chansons francophones, plutôt fin 80, début 90 de ce que j'ai entendu, de la pop un peu électronique, c'est bien ma cam. Les morceaux que j'ai écoutés, c'était bien ma cam. On va l'écouter ensemble, Jeanville, dans les studios de Prune, ce mix. Et je sens que ça devrait très bien se passer, cette teuf du 3 février. On se retrouvera le mois prochain sur Prune et le 3 février, soit au rond-point en début de soirée, soit à Macadam en fin de teuf. Bisous, bonne écoute. Merci Club beaucoup Rocket. Pour l'invitation. Ciao. Pour le contrôle de Boom Boom, oh, bisous. Le temps passe si vite dans les bras du plaisir, la douceur de nos gestes. Apprivoise la tendresse. Amour, mon cœur pour toujours accoucher les désirs, les joies de l'extase et de toutes nos caresses. Amour, ton corps me tourmente et excite mon âme, puissant d'un moment, emprisonne le temps. Ah, amour, on se donne l'un à l'autre sans aucune résistance. Résistance et l'ivresse, un homme qui caresse. Amour, ton souffle sur ma peau fait sentir la présence de chaque moment et de chacun de tes baisers. Mes lèvres qui te cherchent à travers les secrets, inspire mes rêves enfermés à jamais. Oh, amour, la la voix de mon corps sur les feuilles du silence. Ah, amour. On se donne l'un à l'autre sans aucun résistance. Résistance et l'ivresse, un en main qui caresse. Entre deux eaux, je t'aime d'amour en Amphibie. voyageurs sont invités à se présenter sur la file où leur transfert va s'effectuer de l'intérieur vers l'univers. Comme une histoire turbulences au bord de souffrir. Dans l'attente, partout, je t'hallucine. Je veux ta peau, chez moi, ça s'envenime. Comme une histoire. Je ne vois si que des des gens sans âge. Personne n'a mis le nez dehors. Ça fait 100 ans que personne ne sort. Sur les toits, une forêt d'antennes. Et qui sait où elle mène? Tu as ton plan pour nous échapper. Tu crois que c'est bien ce qu'on fait? Une brèche dans le mur pour disparaître dans ta nature. Prends-moi avec toi, ce sera comme si j'étais pas là. Rythme là. ta peau blanche à la marque du destin. Devant nous l'océan nous appelle maintenant. Je sens ton cœur qui bat. J'aime ce rythme-là. Chansons ivresses qui viennent troubler nos sens, semblant tout ignorer de l'ultime délivrance. On s'avance pieds nus dans des flots inconnus, dont les vagues ingénues sont des échos perdus.

Thank you. jack tranquille. Un groupe de gang, ce nouveau son, Jackie. La mélodie est belle, alors écoute bien. Depuis toujours la musique me tient, ma simple gueule. l'aide. Personne ne t'en a donné, même si aide, ça aide. Tu aides dans les derniers articules si tu veux qu'on te comprenne. Ce n'est pas à mon attention, mais plutôt à la tienne. À la tienne, les tiennes, bois un coup et modère-toi. Les deux d'un extrême à l'autre, tu as fait le bon choix. Ni la W te dit laisse-toi aller sur ce funky funky style. Laisse-toi guider, ça donne. Laisse-toi guider, ah ah. Laisse-toi guider, laisse-toi guider, laisse-toi guider, ah ah. Laisse-toi guider, laisse-toi guider, laisse-toi guider.